Chapitre 4. Relevez-vous, mon ami, le cauchemar est fini. Nous pourrons être encore heureux, tous les deux. Il la pressait tendrement contre lui, satisfait de pouvoir reprendre avec elle le doux roman d'amour si cruellement interrompu. Ne pensez-vous pas, Anaïk, lui demanda-t-il sérieusement, après qu'ils eurent repris leur route, ne pensez-vous pas qu'il faudra aviser la dame de Saint-Brieuc de la date où vous irez chez elle? Évidemment, il faudra le faire, approuva-t-elle en souriant, et c'est vous qui dicterez la lettre, car je ne sais guère écrire, vous pensez. C'est ça, je vous aiderai, nous lui dirons. Il s'arrêta, et attirant la tête blonde contre sa poitrine, il plaqua un long baiser sur le front rougissant. « Nous lui dirons, prit-il du même ton, que celle qui a su en cachette consoler ma mère doit avoir le courage maintenant de consoler ouvertement son fils. Nous ajoutons qu'il y a assez de travail pour ma femme à la maison, et que la petite Anaïk Bruneck ne peut demeurer ailleurs que sous le toit de son mari. » Tant de bonheur inattendu fauchait les jambes de la jeune Bretonne. Était-il, m'adoué, vraiment possible qu'un pareil bonheur lui fût encore réservé? Mère Boine, qui la soutenait, ne se plaignait pas de la sentir si lourde à son bras. Ils allèrent à petits pas. Si petits pas qu'ils mirent des heures à faire la route, le temps simplement de se dire à voix basse tout ce qu'ils avaient dû taire depuis des semaines.